Bon dimanche de Pâques à tous. Jésus-Christ est ressuscité. Aujourd'hui, 16 avril, jour de Pâques, nous continuons la lecture biblique. C'est Gabriel qui est avec vous. On va lire dans la version français courant depuis nos studios de Cœur d'encre sur la côte de Beaupré. Alors, on commence avec Josué 13. 1 jusqu'à 14-15, et ensuite on continuera une portion des psaumes, des proverbes, et dans Luc, dans le Nouveau Testament, nous continuerons. 16 avril, Josué 13, 1 à 14-15. Josué était devenu très vieux. Le Seigneur lui dit, « Te voilà devenu très vieux, et pourtant il reste une part considérable du pays à conquérir. Les territoires des Philistins et des Geshurites, c'est-à-dire la contrée, considérée comme cananéenne, qui s'étend du torrent du Kihor à la frontière égyptienne jusqu'à la région d'Écron au nord. Là se trouvent les cinq chefs philistins qui dominent sur Gaza, Asdod, Ascalon, Gath et Écron, ainsi que les territoires des Avites au sud. Il faudra conquérir également les pays de Cananéens, depuis Ara, possession des Sidoniens, jusqu'à Aphek, à la frontière amorite. De même, la région de Gebal et du Liban oriental de Baal-Gad, au pied du mont Hermon jusqu'à Lebo-Hamat, ainsi que la région montagneuse située entre le Liban et Misrephoth-Maïm, dont les habitants sont tous sidoniens. Au fur et à mesure que les Israélites avanceront, je chasserai devant eux les populations de ces régions. Tu attribueras aux Israélites les différentes parties du pays en les tirant au sort, comme je te l'ai ordonné. Répartis donc ces territoires entre les 9 tribus et la demi-tribu de Manassé qui n'ont encore rien. Les tribus de Ruben, de Gad et la première moitié de la tribu de Manassé avaient déjà reçu des terres en partage à l'est du Jourdain. C'est Moïse, le serviteur du Seigneur, qui les leur avait attribuées. Leur territoire était limité au sud par la ville d'Aroer sur l'Arnon, et par la ville située au milieu de la même vallée. Il comprenait tout le plateau de Medeba à Dibon, ainsi que les villes du roi Amorite, Sion, qui avait régné à Heshbon sur la contrée allant jusqu'à la frontière ammonite. Il comprenait aussi le pays de Galaad, la région de Geshur et de Maaka, le mont Hermon et tout le Bashan jusqu'à Salka. Le roi Dog, un des derniers Réphaïtes, qui avait régné à Ashtaroth et Édréhi au Bashan, était inclus dans leur part. Moïse avait vaincu et dépossédé les peuples de ces régions. Cependant, les Israélites ne chassèrent pas les Geshurites ni les Maakakites, de sorte que maintenant encore, ceux-ci vivent en Israël. La tribu de Lévi fut la seule à ne pas recevoir des terres en partage. En effet, la part qui revient aux descendants de Lévi est prise par les sacrifices consommés pour le Seigneur, Dieu d'Israël, comme le Seigneur lui-même le leur a promis. Le territoire que Moïse avait attribué au clan de la tribu de Ruben était limité au sud par la ville d'Aroer sur l'Arnon et par la ville située au milieu de la même vallée. Il comprenait le plateau autour de Medeba. Il comprenait également Heshbon et toutes les villes du plateau, Dibon, Bamot-Baal, Beth-Baal-Méon, Yas, Kedemot, Mephaat, Kiriataim, Sibma, Siret-Chonar sur la colline qui domine la vallée, Beth-Péor, les versants du mont Pisga et Beth-Yeshimot. Outre les villes du plateau, tout le royaume de Sion, le souverain Amorite qui avait régné à Heshbon, était inclus dans leur part. Moïse avait vaincu Sion ainsi que le chef de Madian qui lui était soumis et qui vivait dans le pays, Evir, Rekem, Sour, Our et Reba. Le devin Balaam, fils de Béor, fut un de ceux que les Israélites tuèrent à ce moment-là. Le territoire des Rubénites avait le Jourdain pour frontière ouest. Les villes et les localités nommées ci-dessus continuèrent la part donnée au clan de la tribu de Ruben. Le territoire que Moïse avait attribué au clan de la tribu de Gad comprenait Yazer, toutes les villes de Galaad, la moitié du pays des Ammonites jusqu'à Aroer, près de Rabba. Il s'étendait d'Heshbon à Ramat-Mispé et Bétonim et de Mahanaïm à la région de Lodabar. Dans la vallée du Jourdain, ils comprenaient Beth-Aram, Beth-Nirma, Soukot et Saphon, localité du royaume de Sion, qui avait régné à Heshbon. Ce territoire était situé à l'est du Jourdain qui en formait la frontière jusqu'au lac de Génézaret au nord. Toutes les villes et localités nommées ci-dessus constituèrent la part donnée au clan de la tribu de Gad. Le territoire que Moïse avait attribué au clan de la tribu de Manassé était limité au sud par Mahanaïm. Il comprenait tout le Bashan, tout le pays d'Og, roi de Bashan, ainsi que les 60 villes de Yaïr situées dans cette région. Il englobait également la moitié du pays de Galaad, ainsi que les villes d'Ashtaroth et d'Edri, les anciennes capitales d'Og, roi du Bashan. Tout ce territoire fut donné à la moitié des clans descendants de Makir, fils de Manassé. Moïse avait attribué ces différentes parts dans la région située à l'est de Jéricho et du Jourdain, lorsqu'il se trouvait dans les plaines de Moab. Il ne donna aucune terre en partage au clan de la tribu de Lévi. En effet, leur part est de servir le Seigneur, Dieu d'Israël, comme celui-ci l'a dit. Voici les territoires qui furent attribués au peuple d'Israël dans le pays de Canaan. Le prêtre Élazar, Josué, fils de Noun, et les chefs de famille des différentes tribus les répartirent entre les Israélites. Comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse, on tira au sort les terres attribuées aux 9 tribus et demie qui n'en avaient pas encore. Moïse avait déjà distribué les terres situées à l'est du Jourdain à 2 tribus et demie, mais il n'en avait pas donné aux descendants de Lévi qui ne devaient recevoir aucun territoire. Cependant, les descendants de Joseph formaient 2 tribus, celles de Manassé et d'Éphraïm. Quant aux Lévites, ils reçurent uniquement des villes pour y habiter avec les terrains des alentours pour leurs troupeaux et pour et leurs autres biens. Ainsi, les Israélites partagèrent le pays conformément aux ordres que le Seigneur avait donnés à Moïse. Un jour, des gens de la tribu de Juda vinrent trouver Josué au Gilgal. Caleb, fils de Yéphunné, du clan de Kenaz, lui dit « À Kadesh Barnéa, tu t'en souviens, le Seigneur a parlé de toi et de moi à Moïse, l'homme de Dieu. J'avais 40 ans lorsque Moïse, le serviteur du Seigneur, m'envoya à Kadesh Barnéa explorer ce pays-ci. À mon retour, je lui fis un rapport sincère. Tandis que les hommes qui m'avaient accompagné décourageaient le peuple, j'ai manifesté ma fidélité au Seigneur mon Dieu. Ce jour-là, Moïse me promit solennellement que je recevrais en partage le pays que j'avais parcouru et que celui-ci appartiendrait à moi et à mes descendants pour toujours, à cause de ma fidélité au Seigneur Dieu. Il y a maintenant 45 ans que le Seigneur a donné cet ordre à Moïse, à l'époque où les Israélites traversaient le désert. Depuis ce temps-là, le Seigneur m'a gardé en vie selon sa promesse, et me voici âgé de 85 ans. Pourtant, je suis toujours aussi vigoureux que lorsque Moïse m'a envoyé en exploration. J'ai autant de force qu'alors, que ce soit pour la guerre ou pour toute autre activité. Maintenant donc, attribue-moi la région montagneuse que le Seigneur m'a promise en ce temps-là. Je t'avais alors indiqué que les descendants d'Anak qui vivent dans des villes grandes et bien fortifiées. Si le Seigneur est avec moi, je les en chasserai comme il l'a lui-même annoncé. Josué bénit Caleb, fils de Yéphunné, et lui donna la ville d'Hébron. Cette ville appartient maintenant encore aux descendants de Caleb, fils de Yéphunné, du clan de Kenaz, parce que Caleb avait manifesté sa fidélité au Seigneur, Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kiriath Arba, ou ville d'Arba, nom du plus célèbre des Anakites. Alors le peuple se reposa de la guerre. Alors le psaume suivant, c'est le psaume 85, les versets 1 à 7. Il est tiré du répertoire du chef de chorale, et c'est un psaume appartenant au recueil de la confrérie de Corée. Seigneur, tu as montré ta faveur au pays qui t'appartient. Tu as rétabli les descendants de Jacob. Tu as déchargé ton peuple de sa faute. Tu as pardonné tous ses manquements. Tu as retenu ta colère. Tu as renoncé à t'emporter contre nous. Ô Dieu, notre sauveur, reviens à nous. Cesse de nous en vouloir. Resteras-tu toujours irrité contre nous? Ta colère durera-t-elle de génération en génération? Ne veux-tu pas nous ramener à la vie, nous qui sommes ton peuple, pour que nous te retrouvions en toi la joie? Seigneur, fais-nous voir ta bonté, accorde-nous ton secours. Je veux écouter ce que Dieu dit. Le Seigneur parle de paix pour son peuple, pour ses fidèles, pour ceux qui lui font à nouveau confiance. Oui, son aide est imminente pour ceux qui se reconnaissent son autorité. Sa présence glorieuse habitera bientôt notre pays. La bonté et la fidélité se rencontrent, la loyauté et la paix s'embrassent. La fidélité germe de la terre, tandis que la loyauté descend du ciel. Le Seigneur lui-même donne le bonheur, et notre pays donne ses fruits. La loyauté marche devant le Seigneur et trace le chemin devant ses pas. Proverbes 12, 23 et 24. L'homme avisé ne fait pas étalage de ses connaissances. Les sots exhibent leurs bêtises. Des mains actives procurent le pouvoir, mais la nonchalance mène à l'esclavage. Luc 1, versets 57 à 80. Le moment arriva où Élisabeth devait accoucher, et elle mit au monde un fils. Ses voisins, les membres de sa parenté, apprirent que le Seigneur lui avait donné cette grande preuve de sa bonté, et ils s'en réjouissaient avec elle. Le 8e jour après la naissance, ils vinrent pour circoncire l'enfant. Ils voulaient lui donner le nom de son père, Zacharie. Mais sa mère déclara, « Non, il s'appellera Jean. » Ils lui dirent, « Mais personne dans ta famille ne porte ce nom. » Alors ils demandèrent par geste au père comment il voulait qu'on nomme son enfant. Zacharie se fit apporter une tablette à écrire et il y inscrivit ces mots. Jean est bien son nom. Ils s'en étonnèrent tous. Aussitôt, Zacharie put de nouveau parler. Il se mit à louer Dieu à haute voix. Alors, tous les voisins éprouvèrent de la crainte, et dans toute la région montagneuse de Judée, on se racontait ces événements. Tous ceux qui en entendaient parler se mettaient à y réfléchir et se demandaient « Que deviendra donc ce petit enfant ?» La puissance du Seigneur était en effet réellement avec lui. Zacharie, le père du petit enfant, fut rempli du Saint-Esprit. Il se mit à prophétiser en ces termes. « Loué soit le Seigneur, le Dieu du peuple d'Israël, parce qu'il est intervenu en faveur de son peuple et l'a délivré. Il a fait apparaître un puissant sauveur pour nous parmi les descendants du roi David, son serviteur. C'est ce qu'il avait annoncé depuis longtemps par ses saints prophètes. Il avait promis qu'il nous délivrerait de nos ennemis et du pouvoir de tous ceux qui nous veulent du mal. Il a manifesté sa bonté envers nos ancêtres et n'a pas oublié sa sainte alliance. En effet, Dieu avait fait serment à Abraham, notre ancêtre, de nous libérer du pouvoir des ennemis et de nous permettre ainsi de le servir sans peur pour que nous soyons sains et justes devant lui tous les jours de notre vie. Et toi, mon enfant, tu seras prophète du Dieu Très-Haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour préparer son chemin et pour faire savoir à son peuple qu'il vient le sauver en pardonnant ses péchés. Notre Dieu est plein de tendresse et de bonté. Il fera briller sur nous une lumière d'en haut, semblable à celle du soleil levant, pour éclairer ceux qui se trouvent dans la nuit et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. L'enfant grandissait et se développait spirituellement. Il demeura dans des lieux déserts jusqu'au jour où il se présenta publiquement devant le peuple d'Israël. Et la suite de ce récit sera demain. Alors, prions. Seigneur Dieu, on veut te louer. On veut te remercier pour tout ce que tu as fait, tout ton plan autour de Jésus quand il est venu sur terre avec Jean-Baptiste, que tu as visité dès le ventre de sa mère. Merci, Seigneur, pour l'exemple de foi que Zacharie et sa mère et sa femme Élisabeth avaient. Et merci aussi de la foi de Marie et de Joseph. Joseph qui a accepté que c'était bel et bien l'Esprit-Saint qui avait mis l'enfant en Marie. Ça n'a pas dû être facile. Mais Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, on se rappelle, en ce dimanche de Pâques, on se rappelle quand Jésus est ressuscité. La mort de Jésus serait vaine sans sa résurrection. Sa mort est importante, mais sa résurrection l'est encore plus, beaucoup plus. Merci pour ce grand témoignage d'amour, cette grande preuve d'amour envers nous. Nous qui méritions cette mort-là. Jésus l'a pris à notre place. Et grâce à lui, on a une place auprès de toi, mon Père. Bénis, Seigneur, cette journée où sans doute plusieurs iront sur la route voir des membres de la famille, des amis, des membres de l'Église peut-être. Je te prie que les chants d'adoration qui seront chantés demain matin à l'Église, aux Églises, puissent être agréables. Et que le restant de la journée également puisse être une journée particulièrement saine et qu'on puisse vraiment goûter à ta résurrection pleinement. Amen.